Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de la répartition des charges entre le propriétaire, le copropriétaire et le locataire. Donc, mais avant de commencer cette vidéo, ben j'ai un cadeau pour toi. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement, le lien se trouve au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu as juste à me mettre ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Voilà, là on va regarder rapidement la répartition parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça et beaucoup de petites erreurs. Alors, c'est pas forcément toujours très grave, mais ça peut aussi avoir des impacts financièrement très importants. Donc, la répartition entre les charges du propriétaire, que paye le propriétaire et que paye le locataire. Donc, déjà dans les gros travaux, le locataire, il est redevable quand il est à l'intérieur des petits travaux du quotidien. Il va changer lui-même le pommeau de douche si c'est abîmé. Les petites choses d'usure, les petits joints qui vont fuir, une ampoule, ça c'est lui qui va le changer. Normalement, il ne doit pas vous appeler. Après, s'il vous appelle et que vous y allez, voilà, si vous n'êtes pas loin, vous pouvez y aller. Mais normalement, il doit se débrouiller tout seul pour changer, par exemple, une ampoule pour aller. S'il y a un petit joint qui fuit et que c'est assez basique, il doit se débrouiller tout seul. Puis, si l'électricité est individuelle, ben, il va y avoir l'électricité qui va être à la charge du locataire, il va y avoir la taxe d'habitation, il va y avoir son assurance habitation. Il est obligé, le locataire, de prendre une assurance habitation et il doit en plus vous envoyer l'attestation. C'est super important, il doit envoyer l'attestation pour prouver qu'il a bien pris une assurance. C'est votre devoir de veiller à ce qu'il ait bien pris son assurance habitation. Il doit aussi payer l'eau froide, l'eau chaude, selon le type, si c'est avec un chauffage, un chauffe-eau ou collectif. Mais en tout cas, il doit payer l'eau. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est que l'eau, c'est dans les charges de copropriété. Donc ensuite, vous allez faire une provision pour charge et vous allez lui réaffecter la somme que vous allez payer pour l'eau froide dans les charges de copropriété. Voilà principalement les charges que va payer le locataire. Toi, en tant que propriétaire, tu vas payer la taxe foncière, tu vas payer une assurance propriétaire non occupant, assurance PNO, ça s'appelle, c'est super important, c'est quasi obligatoire. Je ne suis pas sûr que ce soit 100% obligatoire légalement, mais c'est quasi obligatoire et je t'encourage de toute façon à le faire, il n'y a pas photo. Une assurance PNO, ensuite, c'est à toi de voir si tu mets dedans, si tu assures les meubles ou pas dedans, ça c'est par rapport au package, mais en tout cas, il faut avoir cette assurance-là. La taxe foncière, la CFE, si tu vas louer en location, en loueur meublé non professionnel, tu vas avoir la CFE à payer. Tu vas avoir tes impôts à payer de manière classique. Et tu vas avoir les charges de copropriété. C'est toi qui vas faire l'appel de fonds, qui va avancer l'appel de fonds des charges de copropriété. Normalement, c'est levé trimestriellement. C'est toi qui vas le payer. Et ensuite, tu vas, via la provision que tu auras fait, tu vas te faire rembourser une partie de ces charges auprès du locataire. Pour tout ce qui est eau, tout ce qui est électricité, si tu es en collectif. Ensuite, il y a par exemple Internet. Donc, il va y avoir Internet dans ton appartement. Je t'encourage en tout cas à ce que tu t'assures quand tu achètes un appartement qu'il y ait bien une possibilité d'y mettre Internet. Sinon, c'est un gros inconvénient pour la mise en location. Ensuite, par rapport à qui va payer Internet, ça va dépendre si tu te mets au forfait ou en provision. Donc, j'ai fait une autre vidéo pour bien t'expliquer la différence entre provision et forfait, les avantages et les inconvénients. Mais du coup, si tu te mets au forfait, tu peux mettre à l'intérieur le forfait Internet. Aujourd'hui, tu peux trouver des forfaits Internet à une vingtaine d'euros. Donc, ça peut être intéressant selon la gamme que tu fais au niveau de ta location et aussi la population sur ton avatar. C'est la personne qui va louer principalement ton bien. Ça peut être intéressant ben, d'englober Internet par rapport au coût aujourd'hui. Ce n'est pas très, très, très cher. De toute façon, tu vas lui refacturer dans ton forfait de charge. Ou alors tu te mets en provision et dans ces cas-là, tu es vraiment au réel avec une régularisation possible, un réajustement de charge en fin d'année. Et là, normalement, quand on fait ça, on n'y met pas le forfait Internet, par exemple. Donc voilà, j'ai essayé de te faire une petite vidéo pour te donner les points principaux. J'ai fait ça parce que j'ai eu des personnes en coaching et il y avait quelques petites approximations par rapport à ça. Ils n'étaient pas trop à l'aise. Je ne t'ai pas parlé d'un dernier point qui est l'assurance loyer impayé parce que c'est facultatif, c'est bien évidemment pour toi puisque c'est le propriétaire qui s'assure des loyers impayés du locataire. Ensuite, j'ai déjà fait des vidéos, je te mettrai le lien où tu peux avoir ce genre d'assurance gratuite payée entre guillemets par l'État. Il y a des solutions pratiquement pour tous les cas de locataires possibles. Donc voilà, c'était une rapide vidéo pour te montrer la répartition entre le locataire, le propriétaire, que tu sois bien clair dans ta tête. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Et fais partager esprit gagnant aux personnes qui sont dans ton entourage et qui voudraient monter en compétence sur l'investissement immobilier, sur l'état d'esprit à avoir pour être un investisseur rentable. Et en tout cas, d'ici les prochaines vidéos, je te dis porte-toi bien. Voilà, passe à l'action, kiffe. Ciao, ciao!